Ça fait longtemps qu'on voulait lui parler, début de l'année, puis savoir un peu comment ça va son année. C'est évidemment le conjoint de Marianne Saint-Lô, Charles Lamé. Salut Charles. Salut. Charles, avant de parler un peu de ton année, comment t'es en ligne, c'est vraiment été une belle fête pour Marianne. Oui, aujourd'hui, ben, je pense que c'était vraiment spécial d'avoir quelque chose nommé à son nom, comme le Centre récréatif ici à Saint-Félicien. C'est spécial, puis je pense que c'est une chance unique dans une vie. Puis Marianne a réussi à le faire à l'âge qu'elle a, je pense que c'est encore plus spécial pour elle. Puis elle a démontré aujourd'hui en étant un petit peu émotive, puis je pense que ça venait du fond du cœur, puis elle apprécie le moment. Okay. Si on parlait de ton année, comment ça s'en est? Ça va super bien. Je pense que les deux premières Coupes du Monde qui étaient à Montréal et Toronto ont très bien été. J'ai eu une bad luck au 1500 que je me suis fait faucher, puis j'ai raté ma médaille à cause de ça. Je suis revenu très fort au 1000 mètres, gagné la course avec Samuel qui était derrière moi en deuxième place. À Toronto, j'ai eu une disqualification au 500 mètres la première journée le samedi. Je suis revenu le dimanche avec une autre victoire au 500 mètres. Je pense que niveau des courses, niveau comment je mets ça sur la glace, ça va super bien. J'aurais pu avoir plus de médailles, mais les circonstances ont fait en sorte que j'ai réussi à ramasser 3 médailles d'or avec le relais à Toronto. Donc pour les garçons, pour l'équipe nationale en ce moment, les gars et les filles, ça va super bien. Bon début de saison, je pense qu'on a 16 médailles en deux Coupes du Monde, donc c'est quand même assez exceptionnel pour nous. C'est assez exceptionnel aussi de voir la progression. Samuel Girard a été souvent vu comme le dauphin de Charles Hamelin, mais là, il est arrivé, là, vraiment. Il est vraiment rendu... Performe, là. Oui, bien, on s'en attendait, là, Samuel. C'est un jeune qui est là, qui est fort. L'année passée, il était aussi fort, mais la confiance en patin, ça a beaucoup à voir, puis la mentalité aussi. Puis je pense que durant l'été, il a pris la confiance, il a pris la maturité, il s'est entraîné fort. Puis je pense que dès le début de la saison, aux sélections, au mois de septembre, il a montré ses forces, surtout au 1000 mètres, quand il a réussi à devancer sur deux fois. C'est pas un pur hasard, Samuel, ça va être un des bons athlètes au niveau canadien et au niveau international, puis je pense que c'est bien parti. Les jeunes sont là, sont forts, puis ça va juste faire en sorte que l'équipe canadienne va rester au top au niveau mondial, puis après ça, ben, on va juste avoir du fun avec les chums. On voit maintenant que le sport progresse. Il y avait des Polonais, il y avait des Russes du côté femmes aussi, du côté des hommes. On voit que ça progresse ça fait un bond depuis 4 ans. On en voit plusieurs, ouais. Plusieurs pays autres que la Chine, la Corée, ouais. Le Canada qui sont sur le podium. On a vu des Hongrois, on a vu des Russes, on a vu des Polonaises. C'est le fun à voir parce que le sport, je pense qu'il évolue. Le sport, c'est plus seulement une affaire de 3 pays. Les finales au relais, ça peut être 8 à 10 pays différents qui peuvent se le partager. Donc, les courses sont de plus en plus relevées. Tu peux pas avoir une demi-finale puis te la prendre à la légère puis la gagner avec beaucoup d'avance. Faut vraiment que tu sois capable de bien gérer tes courses puis bien gérer tes énergies pour réussir à les gagner. C'est quasiment les demi-finales, c'est quasiment rendu des finales aussi. Je pense que c'est un avantage pour le spectacle, pour les spectateurs, parce que ça crée des courses plus enlevantes. Puis je pense que le court de piste, il y a une bonne réputation au niveau de l'excitation durant les courses. Je pense que ça va juste aller dans ce sens-là. Dernière question. Toronto, la semaine passée, vous étiez à Toronto, pareille date. Première expérience, c'était quand même positif. Marianne me l'a dit, Robert Dubois également. Comment t'as trouvé ça, toi? C'était vraiment cool comme expérience. Première fois à Toronto. Toronto, c'est une belle ville. Je pense que l'aréna qu'on avait, c'était quand même assez exceptionnel, l'ambiance qu'on a eue. C'est pas une grosse aréna, mais les spectateurs sont super proches de la glace. Donc, pour nous, c'est vraiment cool parce qu'on les sent vraiment comme quasiment par-dessus nos épaules quand on patine. C'est quand même assez exceptionnel, nouveau feeling. Puis l'organisation là-bas ont fait une très bonne job. Je pense que les athlètes en général ont apprécié. La glace était d'une qualité exceptionnelle. On a fait des super bons temps. Puis ça, c'est à gros à voir pour nous. Bien, merci beaucoup, Charles Hamelin. Plaisir. Merci.